était dans l'horreur, sans espoir pour l'homme rêveur que j'étais. Je suis parti erreur, j'ai trouvé surtout des sang-cœur, mais pas le temps pour les sanglots. Mon sueur sert à essuyer ma sueur versée, certes pas pour un gros lot. Mon sang suis à essayer de soutenir le port de ma tête, malgré le sort, l'adversité en quête de vallée. Je ne vois que des crêtes, rien à dévaler, juste démonter, avaler. Je suis démonté, prêt à m'affaler, épuisé. Et puis c'est donc la volonté, longtemps privé de volupté, peut indéfiniment se tendre. Le norabo élevé des murs et à l'autarcique aussi prétendre. Ce dont on peut être sûr, c'est que nul ne saura réduire mes aspirations. Encendre une part de scope pour les enrichir et le voile à mon pays, je viens de reprendre droit. Et leur barricade, je les forcerai dans un esprit de foi. Revends leur brimade, car bien qu'ils soient dans le déni, en fait, frères en humanité, nous sommes et leur mauvaise conscience. Je suis rejeté par eux pour rassurer leurs aises. Est effacé aux yeux de mes frères bien installés. Mais mon cœur est plein de vœux et ma volonté fait de s'y tremper. Je suis l'homme sans visage, une ombre noyée dans le nombre anthropophage et la misère ma dignité. Est effacé aux yeux de mes frères bien installés. Mais mon cœur est plein de vœux et ma volonté fait de s'y tremper. Ils nous taxent de lâcheté, d'en fuyant les difficultés. Les vaillants, eux, sont restés distillés dans leur confort engoncé. Nous, les soi-disant peureux, sommes ceux qui sont passés entre les mains des mafieux forcés au risque d'y passer, ne sachant même pas nager. Nous affrontâmes pourtant la mer Méditerranée, la violence des éléments, puis écrasés les uns contre les autres au fond d'un camion avec en commun une détresse. Sans son, la discrétion est exigée. Manque d'air, nous étouffons. Défaillez en silence, s'il vous plaît. Allons, patience, tenons bon. Pharmacien aux états, de ville dans pays. Trilingue, pardonnez si je m'étale sur mes atouts. Mais rien qui me distingue de la plupart de mes compagnons. De misère, seulement nous accueillons. Font de nous des barbares errants, nous abaissant au rang de vermine. Mais je me veux plus grand que leur préjugé efféminé de ne pas entendre ces indécents. Je suis l'homme sans visage, une ombre noyée dans le nombre anthropophage et la misère ma dignité. Est effacé aux yeux de mes frères bien installés. Mais mon cœur est plein de vœux et ma volonté fait de s'y tremper. Je suis l'homme sans visage, une ombre noyée dans le nombre anthropophage et la misère ma dignité. Est effacé aux yeux de mes frères bien installés. Mais mon cœur est plein de vœux et ma volonté fait de s'y tremper. Ma famille a placé tous ses espoirs en moi et j'emporte mon passé comme talisman. Les choix seront ardus, pas de garantie. Après, dans mon corps phobie, ma fille trésor de ma vie, ne vend marchant vers son salut. Je l'espère qu'à quel avenir pour elle dans notre pays. Bandes armées errantes et pires affolantes conditions de vie. La moindre maladie ou plaie peut signer votre arrêt de mort. Faute de soins appropriés et un petit enchant d'or. Ça pour mon enfant, et si nous devions trépasser précocement, ce serait tant tentant de réaliser nos rêves plutôt qu'en subissant passivement. Un destin imposé se présentant comme tout tracé, et où vint d'office seraient les projets. Assez d'être condamné à marcher la tête baissée au jour le jour, enchaîner nous autres les réfugiés de notre commune dignité. L'ensemble de cris partagés, nous voulons pouvoir espérer. Est effacé aux yeux de mes frères bien installés. Mais mon cœur est plein de vœux et ma volonté fait de s'y tremper. Je suis l'homme sans visage, une ombre noyée dans le nombre anthropophage. mes amadinités. Et effacé aux yeux de mes frères bien installés. Mais mon cœur est plein de vœux, ma volonté fait de s'y tremper.